Chapitre 11e. Les donneurs de mort. Paulin Broquet, cependant, avait dans ses deux mains robustes, comme dans un étau, le coup du premier boa, et le combat entre ces deux forces, entre l'homme et la masse stupide et formidablement puissante, s'engagea dans toute son horreur. C'était effroyable, une vraie scène de cauchemar, ce combat de ces deux hommes contre ces monstrueux serpents. Dans cette nuit, que ne dissipait qu'à peine la lueur bleue de la petite lampe électrique. Et ce fut plus horrible encore quand un des serpents bouscula, brisa la lampe et fit la nuit absolue. Tout courage, toute force humaine, toute science de combat, toute intelligence devait céder sous le poids énorme des redoutables ophidiens. Les serpents devaient être vainqueurs, ils allaient étouffer ces deux hommes, les broyer, les réduire en bouillie. Tout à coup, le pavillon de glace, où dans la nuit ce drame se passait, fut inondé de clarté. De grosses lampes électriques au plafond et dans les arbres des antennes multicolores s'allumèrent comme en un jour de fête. Au même moment, un jet d'air froid passa sur Paulin Broquet et sur l'amorce, puis un sifflet fit entendre une modulation étrange. Les serpents, les boas colosses, aussitôt détendirent leurs anneaux meurtriers, se déroulèrent en longs plis. Silencieusement, faisant à peine sous leur poids énorme grincer le gravier des allées, ils s'éloignèrent, s'enfoncèrent dans l'ombre des arbres, disparurent. Quand Paulin Broquet et l'amorce, brisés de fatigue, en sueur, essoufflés, se relevèrent, devant eux ils virent, en splendide toilette de soirée, couverte de diamants, un large bracelet d'or au haut du bras gauche, éclatante de beauté, Miss Hayden. Miss Hayden souriait de son sourire idéal, charmeur, affolant. Elle leur dit « Vous êtes les bienvenus chez moi. » Paulin Broquet s'était ressaisi. Il réparait promptement le désordre de sa toilette, plus fortement maltraité au cours de la lutte avec les boas. Puis, il s'inclina profondément devant la plus belle des femmes et la plus mystérieuse. Avec une grâce sans pareille, d'un geste de reine, elle désigna au détective, à son lieutenant, le banc sur lequel tout à l'heure il se trouvait. Elle-même prit place dans un fauteuil d'osier, et sur le ton le plus naturel, le plus simple, elle leur demanda « Je ne vous ai pas fait trop attendre, messieurs. Pardonnez-moi, j'arrive seulement du cirque. J'ai eu ce soir un grand succès. Le public était excellent. Il ne voulait pas me laisser partir. J'ai dû revenir, on m'a obligé, forcé, absolument, à danser avec mon écharpe, comme l'autre soir. » Très maître de lui et se mettant au ton léger de Miss Hayden, Paulin Broquet dit alors « Le public a eu raison. Cette danse, Miss Hayden, est gracieuse au-delà de toute expression. » « Ça m'a retardé un peu, et les femmes sont longues à s'habiller. » Puis j'ai été retenu encore par Fungati, le clown, qui, enthousiasmé, emballé, voulait me féliciter, m'offrir des fleurs, et qui m'a promis un macaroni d'honneur. Miss Hayden demanda à Paulin Broquet « Vous connaissez bien, n'est-ce pas, ce Fungati ?»« Je le connais, en effet. C'est un bon garçon, très fort, très habile. Qui a la douce manie de se proclamer le champion du monde pour la confection du macaroni. » Tout le monde est champion aujourd'hui, répondit Paulin Broquet. Et il se demanda pourquoi Miss Hayden lui parlait ainsi, en insistant de ce clown, de ce Fungati et de son macaroni. Il eut un silence. Miss Hayden ramena sur ses épaules son écharpe brodée, car maintenant, dans le pavillon du cristal où tout à l'heure on étouffait, il faisait presque frais. Miss Hayden, au bout de deux ou trois minutes pendant lesquelles, suivant sans doute quelques pensées, elle avait souri, se tourna de nouveau vers Paulin Broquet et lui demanda « Comment trouvez-vous mes gardes du corps ?»« Les boas, mais très fidèles, très bien dressés. »« C'est la grosse artillerie, mais cuirassée, si je puis ainsi dire. »« J'en ai d'autres qui sont moins apparents, moins représentatifs, mais beaucoup plus sûrs. » Et elle désigna du doigt une branche d'arbuste presque au-dessus de la tête du détective. « Voyez, là, entre les fleurs, ce petit rameau rose. » Paulin Broquet tourna les yeux vers cette branche et il frissonna. Le petit rameau rose qui pendait avait deux yeux scintillants comme des rubis. « C'est un serpent corail, » dit simplement Miss Hayden, comme si elle eût donné le nom d'une fleur. « Le plus terrible animal de la création. Il se perd ainsi dans le feuillage, se confond avec les familles. Quand on passe près de lui, il mord. Oh, à peine. Une piqûre de rose, d'épingle. Mais quelques secondes après, on tombe foudroyé. Les Indiens lui ont donné le nom effroyablement justifié de « donneur de mort ». Elle ajouta « J'en ai quelques-uns comme ça, éparpillés dans le jardin. » « Et vous ne craignez pas ?»« Si. » Ils me connaissent bien un peu, mais il ne faut pas trop se fier au serpent. Le serpent est le symbole de la femme, insaisissable, mystérieux. Comme elle, il a des fantaisies. Adorant aujourd'hui et demain, sans raison, par jeu, donnant la mort d'un seul coup de dent. C'est de la dernière imprudence. Assurément. Mais ces serpents corail sont tout à fait beaux. Il me plaît de frôler ainsi, constamment, la mort jolie, rapide, sans souffrance qui déforme, et vient vous prendre au milieu des fleurs les plus rares, les plus belles du monde. À ce moment, la porte de la maison, au-dessus des quelques marches du perron, la porte que Paulin Broquet avait reconnue incrochetable, s'ouvrit toute grande. Un domestique annonça « Madame est servie. »« Ah, parfait !» fit Mécédène en se levant. « Allons souper. Ici, dans un moment, il va faire trop chaud pour vous, messieurs. » Elle prit le bras de Paulin Broquet. Et Paulin Broquet ne put s'empêcher de frissonner quand cette main fine et blanche, aux ongles rosés, mais qui sous sa gracilité cachait tant de force, se posa sur son bras. Il ne put s'empêcher de tressaillir en ayant près de lui cette femme, onduleuse, souple, si étrangement et si essentiellement femme, qui était comme l'expression la plus pure de la beauté absolue, du charme le plus doux, le plus puissamment radieux. Tout en marchant, car le détective, dans cette aventure singulière, ne disparaissait pas totalement, tout en marchant, il essayait, en inclinant un peu la tête pour répondre, de sentir s'il retrouvait chez Miss Eden ce parfum doux et cependant poivré, spécial, caractéristique mais exquis, que révélait la casquette perdue par la femme rousse, le mouchoir brodé orné d'une couronne de marquis. Mais Miss Eden portait de chaque côté de la tête, au-dessus des oreilles, un petit bouquet de fleurs exotiques, menues et délicates, rosées et transparentes comme de la peau de blonde, comme si elles eussent été faites de la même chair que celle de la femme qu'elle paraît. Ces fleurs répandaient une odeur ambrée, très veloutée mais insinuante, et ne laissant percevoir aucun parfum dans leur voisinage. Tout en remontant par l'allée qui conduisait au perron de marbre, Miss Eden, sans paraître remarquer le manège et la déconvenue du détective, lui donnait quelques détails sur ces fleurs, sur ces plantes merveilleuses dont elle se montrait très fière, et sur l'organisation de son jardin, sur le mécanisme, la machinerie spéciale que nécessitait ce pavillon de cristal. « Il faut pour ces plantes et ces animaux, dit-elle, une température constante assez élevée. Des calorifères l'entretiennent. Mais cette température, si elle laisse les bois, ces gros frileux, vivre sans souffrir, ne leur permet pas de retrouver la vigueur qu'ils auraient dans leur forêt natale. Alors, pour avoir plus de chaleur et pour l'obtenir instantanément quand il est nécessaire, il y a sous la serre tout un système de radiateurs électriques. Je m'en suis rendu compte, fit Paulin Broquet en riant. Mais, reprit Miss Eden, si mes animaux excités, ayant retrouvé leur vigueur, leur force, deviennent par trop difficiles, trop méchants, car je dois vous dire qu'ils sont toujours à jeun, et se réveillent terriblement affamés, je peux les réduire promptement et les rendre tout à fait sages en quelques secondes. Par une canalisation appropriée, je leur envoie quelques jets d'air liquide, et la température baisse aussitôt de plusieurs degrés. Alors mes gros boas abandonnent tout. Ils s'empressent de réintégrer leurs trous et d'aller se mettre en rond sous leur couverture. Miss Eden ajouta, « Seuls les serpents corail, sous les fleurs, continuent à guetter et ne s'endorment jamais. » Elle conclut, « Ils me gardent. » Puis, silencieusement, elle acheva avec Paulin Broquet de parcourir l'allée. Arriva au perron de marbre qu'elle gravit avec la gracieuse majesté d'une reine jeune et belle. En haut du perron, de chaque côté de la porte, se tenaient deux valets en livrée. L'un d'eux était le colossal nègre Big, à la figure épouvantable. Le maître d'hôtel, sur le pas de la porte, attendait un flambeau à la main. Il précéda sa maîtresse, éclairant son chemin dans la galerie. Quand, donnant le bras à Miss Eden, Paulin Broquet eut passé la porte, suivi par l'amorce, et à quelques pas derrière par les deux valets, dont le phénoménal Big, quand il se fut avancé dans la galerie, doucement, sans que personne y touchât, la porte de fer glissa. Le son mat d'un déclic d'acier apprit seul au détective qu'elle venait de se fermer. Le maître d'hôtel ouvrit, après quelques pas dans cette galerie, une porte, et la salle à manger apparut toute illuminée, toute garnie de fleurs. Ce maître d'hôtel portait l'habit classique du maître d'hôtel français, mais c'était un homme de couleur, bistré, le nez en bec d'aigle, le menton accusé et les pommettes saillantes. Il offrait le type du métis indo-canadien. Silencieusement, très prompt, très adroit, il assura tout le service. La salle à manger était une merveille d'art moderne anglais, clair, gai, qui rappelait un peu le Louis XVI français, mais plus sobre et plus logique, mieux établi, et n'ayant aucune analogie avec le tarabiscotage mal équilibré que les maladroits copistes ou les ignores innovateurs ont à jamais ridiculisé sous le nom de « modern style ». Pas de buffet, pas de vaisselier, comme dans l'immobilier de série commercialement manufacturé. Une seule servante qui était une merveille de ligne, en bois précieux, des chaises dans la même harmonie. Sur les larges panneaux des murs clairs, deux ou trois tableaux, une grande cheminée en grès flammé aux longues lignes qui semblait infinie et encadrait des figures admirablement modelées. Entre deux fenêtres, une sorte de console rappelant la servante. Sur cette console, se reflétant dans la glace qui remontait jusqu'aux volutes du plafond, une statue en bronze, cire perdue, représentant une femme en tenue de cheval, puis, dans un cadre, une photographie, une tête d'enfant. Passant devant la console, Paul Abroquet, grand amateur d'art et très connaisseur en bibelots, malgré lui s'arrêta quelques secondes et regarda, admira le bronze. Mais Seddon, à qui il donnait encore le bras d'ailleurs, s'était d'abord arrêté comme pour engager son cavalier à regarder. « Mais c'est vous, Miss Seddon, dit-il. « Ce bronze, vraiment admirable, c'est vous ?»« Oui, » répondit-elle. « Et cette photographie, c'est encore vous ?»« Non. »« Ce n'est pas vous, enfant. »« Non, ce n'est pas moi. »« Est-ce possible ?»« Cependant. » »« C'est bien là la coupe de votre figure, c'est votre front. »« C'est votre bouche, c'est votre sourire, c'est votre regard. » Et si la photographie avait pu les prendre, ce serait avec la forme, la couleur de vos yeux. Ce n'est pas moi, répéta Miss Seddon. Elle entraîna alors Paul Abroquet, et la gorge serrée douloureusement tout bas, lui dit « Non, ce n'est pas moi, car cette photographie est récente. Elle date de 4 ans. Ce n'est pas moi. » Oh, quelle étrange et étonnante ressemblance. C'est une autre moi-même. Une autre vous. C'est ma fille.